Tu viens que tu n'as plein de casse. Wow! Fait que faites attention à votre intelligence. Plus vous allez rentrer dedans, checkez-la bien. Servez-vous de votre intelligence pour vous autres même. Pour vous autres même. Pour vous autres même. Vous allez comprendre ce que je dis, là. Aussitôt que vous ferez l'erreur de vous servir de votre intelligence pour l'homme, vous perdrez l'énergie. Aussitôt, vous perdrez l'énergie. Je vous le garantis. Servez-vous de votre intelligence pour vous autres mains. C'est un charbon ardent, l'intelligence. Glenn m'a appelé, là, Marc l'appelle. Il voulait que je fasse une autre conférence à la fin du mois. Là. J'ai dit non. Faut que je mette un break à ça. Moi, je peux toujours m'en servir de cette énergie-là. Je peux me brûler aussi. Fait que je suis assez exposé, là. C'est assez. C'est moi qui run. Mais au début, on ne sait pas runner. On se fait runner. Parce que on a des émotions, puis parce qu'on n'a pas suffisamment souffert de l'intelligence. C'est très puissant de l'intelligence. Ça peut te charrier un ego au bout. L'homme doit apprendre à être centrique. L'homme doit apprendre à se servir de tout ce qu'il a pour lui-même d'abord. Parfaitement. Quand l'homme se sert de tout ce qu'il a pour lui-même d'abord parfaitement, si c'est quelque chose, s'il est créatif avec ce dont il se sert, ça servira à l'extérieur. Mais s'il pense de se servir de ça pour l'extérieur, s'il va au-delà de sa centricité, il vient de se mettre la corde au cou. Moi, s'il fallait que je sois dans le public pour aider à l'évolution de l'homme, je me viderais net, sec. Je suis pas dans le public pour l'évolution de l'homme. Je suis dans le public pour faire de l'argent, pour me payer une maison, puis pour manger, puis pour voyager. Mais mon intelligence me permet en même temps de servir à l'évolution de l'homme. Comprends-tu comment dire? Il y a une différence. Comment dire la différence? Prenez la différence, parce que je vous donne la différence. Puis c'est de même la différence. Le reste, c'est de la merde. L'autre vient me voir et dit, comment ça se fait? Vous êtes un homme spirituel, vous chargez des séminaires. Oui, j'ai dit Christ, puis j'ai pas fini. J'ai dit 200 pièces, c'est rien, ça va monter jusqu'à 500 pièces, puis j'arrête. Fait que prends-les pas, moi ça me fait rien, c'est de même, ça marche. Il est temps que les gens cessent d'être idiots. Idiots. Par le sentiment. Si l'intelligence est suffisamment active, créative, dynamique, puis qu'elle me donne de l'énergie, ben c'est évident que je peux aller à un certain point. Mais à un certain point, j'arrête, parce que je suis pas ici pour sauver le monde. Mon travail, c'est pas sur le plan physique, c'est dans les terres, mon travail. Fait qu'en attendant, c'est pour partir le bal. Faut qu'on se réveille, les hommes, un jour. Fait que faites-y bien attention à votre intelligence, parce qu'elle veut vous charrier un maudit bout. Je l'ai fait, ça, pendant un certain nombre d'années. Je l'ai fait pendant 10 ans, ça. Initier du monde, parler du monde, pendant 24 heures par jour, pendant 10 ans de temps. 10 ans, je l'ai fait. Puis après 10 ans, c'était final. Je le fais plus, puis je le ferai jamais. Je l'ai fait, c'est nécessaire, puis à ce temps, c'est fini. Hey, servir l'intelligence, puis servir l'intelligence, puis servir l'intelligence. Faut qu'elle me serve, moi, l'intelligence. Fait que je vous le dis. Prenez pas à légère ce que je vous dis, parce que vous allez réaliser un jour que ce que je vous dis, c'est bien important. J'ai passé à travers tout ce que vous allez passer dans votre vie, vous autres. Je le connais inside out. Il n'y a rien que vous pouvez m'apprendre. Les forces cosmiques, c'est des forces cosmiques. C'est très grand, c'est très puissant. C'est cosmique. C'est au-dessus de l'homme. Fait que nous autres, tant qu'on n'est pas tournés, puis qu'on n'est pas tournés, puis qu'on n'est pas rentré dans le discernement, puis qu'on n'a pas compris le jeu des forces, puis le jeu de l'intelligence, puis le jeu, puis le jeu, puis le jeu, puis le jeu de l'esprit, on est sujet à être empoisonné, puis à être emprisonné par le jeu de l'esprit. Jusqu'à temps qu'on s'en sorte, c'est pour ça que quand on s'en sort, on est fort. On est mental, on a de la volonté, on a de l'intelligence, on a de l'amour. Mais en bonne place. Mais il faut toujours qu'il y en ait un qui passe par le petit trou avant. Moi, j'ai passé par le petit trou pour qu'il y en ait une multitude d'autres qui passent pas par le petit trou. Les vieux, la semaine passée, là, elle se dévoue depuis des années de temps. Elle se dévoue depuis des années de temps au service de l'humanité. Elle joue de main, là. Elle paie toutes ses dents, elle paie ses cheveux, elle paie tout, elle pue du téton, il reste plus rien, là. Elle est toute dévouée. Puis elle a toute une gang de petits chats qui la suit, là, puis qui tête après elle, puis qui tête après elle. Elle commence un petit peu à se réveiller, là. Elle va tout éclisser à la porte dans 2 ans. Fait que l'intelligence spirituelle et l'intelligence pure, c'est pas la même chose. Puis l'intelligence, au début, est toujours spirituelle, spiritualisante, puis elle spiritualise l'âme. C'est sa fonction, d'ailleurs. La preuve, écoutez les conneries qu'ils vous disent quand vous parlez, vous communiquez avec eux autres. Au début. Mais, quand t'as passé par le feu, puis t'as passé par le feu, puis t'as passé par le feu, t'as passé... Quand t'es rendu aussi intelligent que l'intelligence en toi, à ce moment-là, t'en prends plus de conneries, de personne. Là, t'es dans l'intelligence pure. Là, elle te sert, l'intelligence, et là, tu peux faire quelque chose avec l'intelligence pour toi-même, d'abord. Et comme elle est grande, elle sert à l'humanité. Mais si vous parlez pas de ce principe-là, et vous comprenez pas ce principe-là, vous allez en baver une maudite chatte à l'heure quand ça va vous rentrer dans le corps. Ben, c'est facile. C'est facile à eux autres en haut d'ouvrir vos centres d'énergie. Facile. Vous autres, vous pensez que c'est dur, vous pensez que c'est long, vous pensez que ça... Ils ont rien qu'à changer de vibration, puis ils vont vous rendre intelligent. Mais rendu à ce point-là, vous aurez, vous autres, à comprendre puis à savoir comment travailler avec cette énergie-là. C'est pour ça que je vous en parle. Sans ça, vous allez en faire en maudit de l'overtime. Surtout les bonasses, puis les bons, puis les spiritueux, là. Je vous dis, j'ai le plus grand ami de l'homme. Je suis l'ami de l'homme par excellence. Moi, si je m'étais rencontré, j'aurais pas souffert comme j'ai souffert. Mais je m'ai pas rencontré. Fait que j'ai goûté en maudit. Puis demandez-leur, ils vont vous dire que j'ai raison. J'ai tout le temps raison. T'es dedans! Mauditement raison. C'est un pouvoir, l'intelligence. C'est pour ça que je suis révolté. Il y a bien des raisons pour lesquelles je suis révolté. Et une des raisons fondamentales et principales pour laquelle je suis révolté, c'est parce que j'ai souffert tant. Moi, j'ai appris ce que je vous dis par moi-même. Parce qu'au début, quand t'es dans l'intelligence, et qu'ils sont wise, t'as pas de maudite scène, t'sais, tu crèves de faim quasiment, mais tu l'as jamais crevé de faim, ils sont bien trop intelligents pour ça. Là, ils te font une petite faveur, tu sais. Tu vas trouver 30 sous tout à l'heure. Fait que tu t'en vas comme un beau Christ de niaiseux sur la rue, là, tes deux yeux bloqués à terre au lieu d'avoir les yeux droits devant toi. Puis comme de fait, tu trouves un petit 30 sous. Mais là, t'es content, là. T'es content. Ils t'ont fait une faveur. Ils t'ont fait trouver un petit 30 sous quelque part au coin de la rue, à côté de la curve. Puis là, t'es tellement spirituel, là, t'es tellement dans la merde, là, tu sais. Parce que t'es plein d'eux autres, t'en pleures. T'es remercié même de t'avoir fait trouver un petit rançon à terre, les écœurants. C'est... Là, ça te permet de voir que t'as de la clairvoyance puis toute la bullshit, là. Qui t'aide, ils sont derrière toi, inquiète-toi pas, mon petit Bernard, on s'occupe de toi, un petit 30 sous. Fait que quand tu vis ça pendant 10 ans de temps, là, pis éventuellement, tu pètes. T'sais, tu pètes quand t'éclates, quand je parle de l'explosion intérieure, là. Que tu renverses la polarité entre l'ombre, pis, comment ça s'appelle ça, l'ego? Je te dis que le sky is the limit. Moi, quand je suis arrivé au point de rupture, là, tu sais, là, ils ont été obligés d'arrêter, là, parce que je t'ai rendu trop mauvais. Là, je t'apprête à tuer n'importe qui. Le mettre sur leurs épaules, là, pour ça, parce que moi, du karma, je n'ai pas de ça. Fait que là, laisse-moi dire que les vibrations ont changé, Charlie. Mais, ils vont pas vous les donner les fruits de votre souffrance. C'est vous autres, vous allez être obligés de leur arracher. Peut-être sans, avec pas autant de souffrance, parce que déjà, elle a été vécue, la souffrance, de sorte que la connaissance de la souffrance est déjà là par moi. Il y a des aspects de ça que vous autres, vous devrez comprendre. Ça se rationalise pas de l'intelligence. Comprenez-les une fois pour toutes, ça se rationalise pas. L'intelligence, c'est au-delà du rationnel. C'est au-delà de la logique. À créer la logique de l'intelligence. C'est au-delà de ça. De l'intelligence et de l'énergie, mon cher. De l'énergie pure et simple. Fait que c'est évident que quand tu commences à travailler avec l'énergie, mais le sky is the limit. Tu fais ce que tu veux. Mais avant de pouvoir le faire, il faut que tu puisses comprendre les lois de cette énergie-là. Puis les lois de cette énergie-là, c'est de bien comprendre ce que moi je vous dis. Pas ce qu'eux autres vous disent. Eux autres, ils vont essayer de vous piéger pour vous amener au discernement. Puis moi, ce que je vous dis, c'est pour vous empêcher de souffrir pour rien. Fait que plus vous comprenez ce que je dis, plus vous avez une chance d'avancer vers l'intelligence, de vous en servir de l'intelligence sans être obligé de souffrir et perdre énormément d'énergie pendant des années de temps. Quand je dis que l'arme, c'est un train, c'est ça que je veux dire. C'est un train. Il faut que tu l'arrêtes, le train, un jour. Puis laisse-moi dire qu'on est capable de l'arrêter. L'homme est capable de l'arrêter, le train. Moi, quand je me fâche, mon cher, j'arrêterai n'importe quel train. Anytime. Mets-moi-en trois trains de film à toutes les arrêter. Il n'y a rien à mon épreuve. Même pas la mort. Je la défie, la mort. Non. J'ai vécu le martyr mental, moi. Dans le temps, on vivait le martyr physique, les initiés. À cette heure, c'est rendu le martyr mental. Je l'ai vécu, le martyr mental. Tu le demanderas, toi, qu'est-ce qu'ils vont te dire, là, moi. C'est écœurant ce qu'ils m'ont fait passer. C'est pour ça que je suis aujourd'hui dans l'intelligence. Je la connais parfaitement, l'intelligence. Parfaitement. Il n'y a rien que je comprends pas, puis il n'y a rien que je comprends pas. Rien. Il n'y a plus de mystère pour moi. C'est ce que je dis. Je suis l'ami de l'homme. Sans terre, je suis un être en révolte. Je suis un être en révolte, puis je vais être en révolte jusqu'à temps que je passe dans un autre plan, parce que si j'étais pas en révolte, je pourrais pas détruire les formes. Ma révolte, c'est la destruction constante des formes. Constante, constante, constante, constante. Dis, fais attention, là, fais attention, là, fais attention, là, fais attention, là. Fais attention, là. Puis je vous dis, fais attention, là, puis vous le voyez pas encore. Un jour, vous tombez de temps, puis c'est ça qu'il voulait dire, fais attention. Je suis un être en révolte. Je suis en révolte contre l'ignorance de l'homme. Je suis en révolte contre bien d'autres affaires. Il y a bien des choses que je ne vous ai pas expliquées encore, mais je vais sortir du sac avant que je finisse. Bien d'autres affaires. Je sais pas encore qu'est-ce que c'est que je t'en révolte contre. Mais mec, je le sache, je m'en vais dire. Puis une des choses contre laquelle je suis le plus en révolte, c'est la domination de l'homme par l'homme. Ça, c'est une de mes plus grandes révoltes. Le conditionnement de l'homme par l'homme. C'est ça qui m'écœure le plus. Donne la possibilité à l'homme de dominer l'homme, justement. Parce que tous les hommes sont ignorants. L'ignorance engendre l'ignorance. Si l'homme était dans son intelligence le moindrement, si vous autres, v'là 10 ans, v'là 15 ans, v'là 20 ans, v'là 30 ans, vous auriez su ce que vous savez aujourd'hui, vous ne seriez plus les mêmes personnes aujourd'hui. L'homme qui se laisse dominer est plus ignorant que celui qui domine. Non, les deux le sont. C'est pas la même forme de l'ignorance. C'est la même forme de l'ignorance. Que tu domines un autre ou que tu sois dominé, tous les deux, vous êtes dans l'ignorance. Parce que celui qui domine, il domine par la crainte. par l'imposition de la crainte, puis celui qui se fait dominer, il se fait dominer par la crainte. La même fois. Deux principes différents. Un principe actif, un principe passif. Ah oui. C'est, ça va tout partout dans la société. Tout le monde l'a fait à faire le don, hein? Tu sais, la petite phrase, c'est comme elle, je sais pas. Tout le monde l'a fait à faire le don. Super, c'est pas écœurant se faire dire ça. Tout le monde l'a fait à faire le don. Tu ris, hein? C'est pour ça que je vous dis... Le temps est venu pour que l'homme passe d'un clan à un autre. C'est pour ça que lorsque l'homme comprend ça, il n'est plus intéressé au clan ici. Fait qu'automatiquement, s'il est intelligent, il n'est plus intéressé à convertir le clan ici. Il n'est plus intéressé à changer le monde. Voilà. Le copain intelligent, tu ne peux pas changer le monde. C'est les individus, il faut qu'ils changent. Regardez ce qui se passe en Iran. Kadhafi, l'autre, Khomeini, les deux cas, les deux culs, les deux cas. Il y en a un qui se fait assassiner, tout le monde est content dans l'autre pays, tout le monde pleure dans l'autre, man, toi. Tu te demandes who's right. Moi, c'est ma révolte qui me permet de vous parler. Si j'avais pas la révolte, je pourrais pas vous parler, je resterais chez nous. Je m'ouvrirais une petite librairie ésotérique, puis je vendrais mes petits livres tranquillement, pas vite. Je ferais comme lui, là, monsieur machin, là. Il y a une librairie, lui. Je me ferais une petite librairie quelque part, là, à Sainte-Adèle, là. Puis je vendrais des livres, La vie des maîtres, La cosmogonie. Je m'en irais chez nous à 5 heures, puis je regarderais la télévision, parce que moi, je ma vie est bien, bien simple. C'est ma révolte. C'est ça, mon tonique. C'est pour ça qu'il faut que je gueule de temps en temps, parce que c'est quand je gueule que j'aime ça. Comment tu fais pour regarder la télévision? Quand je regarde la télévision, je regarde toujours la psychologie derrière l'affaire. La psychologie, tout m'intéresse, moi. Je t'intéresse à tout. Mais je vois tout avec mes yeux, pas avec les yeux de la télévision. Je m'intéresse à tout. Plus tu deviens conscient, plus tu t'intéresses à tout. Mais moins tu veux savoir de tout. Mais tu t'intéresses à tout. Mais tu souffres pas de ce qui se passe à la télévision. Parce que tu comprends. Mais je sais que plus les gens avancent dans leur intelligence, moins ils sont pognés dans l'illusion de sauver le monde. En tout cas, je sais que c'est pas Émile Michaud qui va le faire. Qui est pas intéressé non plus. Au moins, il y a ça de safe. Mais ça nous passe par l'esprit au début. On a un petit touch de folie, tu sais. Hein? On a une petite touch au début. Get over. toute façon, c'est quand tu essaies de sauver le monde, ce serait parce que le monde va te mettre sur lui. Ah. Il est rentre. Ah. Tu peux faire 2-3 ans de ton énergie. C'est pas facile d'être centrique. Parce qu'on était habitué contre ça. Il faut qu'on découvre, plus on devient intelligent, plus on découvre ce que ça implique de l'intelligence chez soi, en soi. Faut qu'on le découvre. Il faut qu'on se rapporte cette intelligence-là à soi-même. Faut qu'on la rapporte à soi-même. Faut qu'on s'en serve pour soi-même. Sans ça, on est fini. Toi, t'as quelque chose à apprendre là-bas, dans votre bureau, dans votre compagnie, là, tout ça. Ça en prend pas gros, hein, pour créer des remous. C'est thématique. Quand tu travailles avec d'autres, tu as tendance à vouloir peut-être transformer la situation, à vouloir la changer, à vouloir que l'espace où tu travailles soit plus ordonné ou soit plus schématique ou qu'il y ait des choses qui se mettent de l'ordre. Nécessairement, ça porte des contenus chez les gens avec qui tu travailles, mais c'est ça que tu appelles partir en mission ou convertir les autres? Oui. Tu as tendance à ça? Pour pouvoir changer un environnement, il faut que tu aies le pouvoir de la parole. Si t'as pas le pouvoir de la parole, tu peux pas. Moi, j'ai travaillé dans une compagnie durant mes années. Je travaillais dans une compagnie, une librairie. J'ai changé tout le monde. Tout le monde. Le gérant, les vendeuses. Tout le monde était sur ma longueur d'onde. C'est pas j'ai le pouvoir de la parole. Mais ce qui est arrivé, c'est que notre magasin, nous autres qui faisaient partie d'une grosse chaîne, c'est devenu comme un magasin à part. Automatiquement. Les gars, ils arrivaient avec leur gros. Les vendeurs de livres, ils arrivaient avec leur pile de livres. Tu sais. Les presses de la cité, puis tout. Ils m'arrivaient avec des paquets de livres de même, là. Deux gros paquets de livres comme ça. Moi, je prenais les livres, puis je passais à travers là-dessus. Je disais, ça, c'est bon. Moi, je prends ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Le gars, il sortait de même. Là, là, là, là. Ça prend le pouvoir et la parole. Il me disait, t'as tout lu ça? Je disais oui. Je t'ai pas pour dire quand il comptait ma vie, mais vous autres, vous comptez votre vie. C'est là que vous faites votre erreur. Je disais oui. Il me pensait que je t'amène érudit. Je t'allais voir le patron une journée, j'ai dit, tu devrais commander 400 cosmogonies d'Urantia. Il a sauté de main. C'est pas des livres, c'est pas comme les alouettes, ces affaires-là, puis des livres, tu sais, qui sont là. 400 cosmos. Il dit, what's that book? Oh, j'ai dit, it's a very interesting book. J'ai dit, you should order 400 of those. J'ai dit, le prix va monter à 150$. Mais vite. Il voulait pas. Fait qu'un jour, le prix est monté à 148$. De 35$ à 148$. Là, je l'ai appelé au head office. J'ai dit, appelle donc les MEAC, puis m'en dis donc comment ça vaut la cosmogonie d'Urantia. Il a appelé chez les MEAC, puis les MEAC, ils ont dit 148$. Le bonhomme, il est sauté haut de même, le juif. J'ai dit, mange de la merde, la prochaine fois, tu m'écouteras. Ensuite, il voulait que je devienne supervisor. J'ai dit, t'as le pied peinturé qui fraise dans mon trou. Je suis bien, là. J'ai mon petit salaire. Il voulait que je devienne supervisor. J'ai dit, moi, si je deviens supervisor, tu as les tweets, tu vas sortir de la présidence parce que moi, je vais runner tout le show. Ils m'ont fait venir une journée. Ils ont incité que j'aille d'une conférence. T'sais, dans les compagnies, ils ont des conférences. Là, toutes les head staff se rencontrent. Pis je t'avais une maudite énergie, cette fournée-là. Fait que je rentre dans la conférence, le gros round table, à peu près 15-16 personnes. J'ai commencé à parler, pis j'ai fini de parler, la conférence a été finie. Je connais ça, tout le stock, l'inventaire, les prix, les hausses à Vancouver, à New York, à Toronto, au final. J'ai parlé pendant toute la conférence, il n'y a personne qui pouvait m'arrêter, parce que quand je parle, tu m'arrêtes pas. J'ai parlé toute la conférence, au bout d'une heure, ça a été final, ils sont sortis, ils m'ont jamais réinvité. Fait, à un certain moment, faut que tu contrôles. Faut que tu contrôles ça, cette énergie-là. Sans ça, là, ils veulent te mettre gérant, des gérants, puis ça s'arrête plus, tu sais. Avec des cordes d'attache. Tu peux pas faire ça. Fait que, le bonheur, pour contourner le problème, il vient me voir une journée, puis il m'accuse devant les... Il m'accuse devant les autres personnes de pas prendre des intérêts à cœur de la compagnie, puis d'être trop intéressé à mon petit confort personnel, puis à pas vouloir évoluer dans la compagnie. Fait que... Là, je l'ai accroché bien vite. Là, j'ai dit, là, tu m'accuses de quelque chose, là. Puis j'ai dit, devant eux autres, tu sais, je veux que tu... Comment est-ce qu'on dit ça? You owe me an apology. Tu me dois une... Des excuses. Parce que si tu me donnes pas des excuses, moi, je m'en vais. Puis moi, j'avais fait monter son stock dans la compagnie de 15 à 45 % de sorte que le département français était devenu on top puis le département anglais était on the bottom. Fait que tu comprends que le président de la compagnie, il m'en a-tu fait des excuses vite? Tu es instantanément, sans ça, je partais. M'en est là. T'es indépendant. T'es un agent libre. Comment dire? Je suis devenu une légende. La compagnie classique. Tu vas demander ça à Bernard Boucher. Toi, au courant. Ils sont au courant. Mais il faut le contrôler, cette énergie-là. Sans ça, ben là, t'es pris dans tes sentiments, puis tu veux monter parce que t'as l'énergie pour faire chose, puis faire chose, puis faire chose. La première chose, c'est que t'es rendu gérant, puis t'es l'esclave de la compagnie. Parce que c'est toujours le président, puis le trésorier, puis ceux qui sont dans l'administration qui contrôlent les ports. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais avec un petit yo-yo parce que t'es intelligent? Non. Fait que moi, j'étais bien, j'avais ma petite job. C'est fini. Hein? Mon peintuc, ouais. C'est ça, je vous dis, faire contrôler l'énergie. Pis c'est subtil parce que quand t'es dans l'énergie, pis si moindrement tu travailles dans un système, tu peux pas faire autrement que changer pis améliorer, parce que tu vois tout. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas s'il y en a qui connaissent Gilles Garon. Connais-tu qui connaît Gilles Garon? Ouais. Tu connais Gilles Garon? Gilles Garon, il avait une compagnie dans le temps, il faisait des patentes. Il m'invite-tu pas dans sa compagnie une journée? J'ai donné un cours sur l'électricité pendant 4 heures de temps. Sur l'électricité. Puis des patentes à développer, ainsi de suite. Là, il voulait m'engager. J'ai dit au mois de septembre, j'ai dit c'est une décision importante à prendre au mois de septembre. Là, il pensait qu'au mois de septembre, moi, j'étais pour entrer dans la compagnie. Au mois de septembre, ses vibrations ont été tellement changées qu'il était obligé de fermer. Vendre ses stocks. Il pouvait plus. Parce qu'il était dans l'illusion, lui, de travailler au niveau de cette énergie-là. Tu peux pas travailler au niveau de cette énergie-là. Ça y a pris un bon bout de temps avant d'en arriver à comprendre ça. Oui, il a passé toute une étape. Non, cette énergie-là, c'est pas pour ici. C'est pour notre transformation. S'il y en a parmi nous autres qui l'ont pour la distribuer en public, ce que j'espère que ça se fera un jour, qu'il y en a qui auront l'énergie pour continuer dans le public à un certain niveau pour amener cette conscience plus proche du monde, mais tant mieux. Mais qu'ils comprennent. Faut que les gens comprennent. Faut que les gens ne se laissent pas dominer par cette énergie. À ce moment-là, t'es bien. C'est un outil à deux tranchants de l'intelligence. Les gens aiment ça, ils trouvent ça le fun, l'intelligence. C'est pas le fun, l'intelligence. Parce que quand t'es dans cette énergie-là, c'est pas comme l'intellect, l'intelligence. L'intelligence, c'est une force qui te pousse, parce qu'elle est toujours là. Tu comprends tout, tu vois tout, tu sais tout, tu peux résoudre tout, tu sais. Fait que faut que tu contrôles ça, cette affaire-là. Sans ça, c'est là que tu te fais accrocher, puis éventuellement, t'en sors. Mais tu as laissé tes poils au vent, tes plumes. Au début, on s'emballe parce qu'il n'y a pas encore assez d'intelligence. Au début, on s'emballe parce qu'on commence à percevoir quelque chose qui est neuf. On commence à sentir quelque chose qui est plus ou moins valable. On commence à sentir quelque chose qui a peut-être du bon sens. Parce qu'il y a des parties de nous-mêmes qui savent, puis qui montent en surface petit à petit, puis qui rencontrent ça. Mais on a de l'émotion. On a des idées. C'est pas vrai? C'est là, là. Puis après ça, ben, on se couvre. Mais j'en parle assez, puis j'ai mis tellement les gens sur les gardes que les missionnaires, je pense qu'il n'y en a pas trop. Mais quand les gens sortent des séminaires au début, souvent, surtout au début, je te jure que ça charrie. C'est que l'illusion, c'est que l'homme pense qu'il est bien parce qu'il est intelligent. Mais c'est ce qui est derrière cette intelligence-là qui fait qu'il est bien. L'homme pense qu'il est bien parce qu'il est intelligent. Mais c'est pas la raison de son bien-être. On n'est pas bien parce qu'on est intelligent. On est bien parce qu'on sait se servir de l'énergie de l'intelligence. On sait se servir de cette énergie-là. C'est vibratoire de l'intelligence. Ça n'a même pas besoin d'être rendu au niveau des mots. C'est vibratoire de l'intelligence. Moi, quand je vous parle, je les écoute pas parler dans ma tête pour vous traduire directement ce qu'ils me disent. De temps en temps, je le fais. Mais c'est vibratoire. Je vis dedans. Elle passe dans le mental, puis elle est codifiée, puis elle passe par la bouche. Avant, si je parlais un petit peu trop au bout, là, si je brisais des formes qui étaient un petit peu plus sacrées là, dans la mémoire de l'homme, mais là, je disais, c'est-tu vrai, ça? Il disait, continue. Mais avec le temps, tu t'habitues, puis avec le temps, c'est final, c'est ça. Pourquoi est-ce que l'homme a l'illusion de ce bien-être-là quand ça se manifeste? Parce qu'il n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Tu sais, quand t'es yo-yo toute ta vie, puis tu commences à être intelligent tout d'un coup, ça crée un choc. Encore un peu yo-yo. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué à l'intelligence. La preuve, c'est que des fois, vous avez des flashs, puis il y a un système de réflexion entre vous, puis l'affaire qui se passe en vous. C'est comme si vous n'êtes pas capable de réaliser que c'est vous-même qui avez capable de penser ça. Je suis pas assez fin, moi, pour penser ça. Ouais. Lui est correct, mais moi, non, non. On n'est pas habitué. Puis avec le temps, mais. Il y en a qui n'ont pas ce problème-là. Daniel, machin, il n'a pas ce problème-là. Lui il est chanceux. Lui, il n'a jamais souffert de cette affaire-là. Mais ça dépend des tempéraments, ça dépend des caractères, et ainsi de suite. Mais il y a des gens que ils ont des flashs. Comme lui, là, il m'a dit quelque chose d'intelligent, soit. S'il avait dit ça, il y a bien longtemps, il aurait piétiné dessus, puis il aurait retourné de bord. Puis elle est venue me voir, puis elle a checké avec moi pour voir si c'était ça. Tu sais, vous savez? Parce que son ego n'aurait pas été suffisamment ferme dans le mental pour l'absorber, c'est ça? L'absorber. Tu sais? L'absorber l'énergie, c'est ça? Parce que dans le fond, l'intelligence, c'est absorber de l'énergie. C'est ça de l'intelligence. C'est absorber de l'énergie. Puis c'est avec le temps que notre corps. C'est pas que je dis, plus on avance dans la conscience cosmique ou dans la conscience. Plus nos corps s'ajustent, le mental s'ajuste, l'émotionnel s'ajuste. Éventuellement, les corps sont tellement ajustés, chose, que l'énergie passe, puis tu dis ce que tu dois dire. Il n'y a plus de chambranlement dedans, il n'y a plus de tremblement dans l'âme. Plus de doute. T'es bien quand moi, c'est pour ça que j'apprécie l'intelligence, parce qu'il n'y a plus de doute. Je souffre plus de doute. Je vais pas. Comme même tu viendras à moi, puis tu me diras, tu me crieras par la tête. Je suis bien calme dans le mental. Ici, ça vibre pas, puis ici, ça. Là, j'attendrai J'attendrai de voir pourquoi est-ce que tu me cries par la tête. Parce que si tu me cries par la tête, il y a une raison. Fait que là, je l'absorberai ton énergie, puis je dirai, ouais, ça a du bon sens ce que tu dis, mais... Là, je redescendrai à ta vibration, puis là, tu continueras, puis j'ouvrirai un autre fois pour toi, pour que tu puisses continuer, puis la prochaine fois, pas me crier par la tête. Comment? Mais au moins, dans mon mental, c'est toujours neutre. J'ai jamais de doute. Jamais de doute. Fait que c'est pour ça. Il est là, le plaisir de l'intelligence. Avoir le plaisir de l'intelligence, c'est ne pas pouvoir douter. Quand tu doutes plus de ton intelligence, ben là, t'es bien. Tu relaxes, une fois pour toutes. Puis là, t'en bénéficies, puis les autres peuvent en bénéficier, parce que les autres le sentent quand t'as pas de doute dans ton intelligence. Ça se sent. Quand t'as du doute dans ton intelligence, ça se sent. Puis quand tu n'as pas, ça se sent. Quand tu doutes, ça se sent, parce que la façon dont tu vas parler, tu vas dire « je pense que ». Moi, je suis pas capable de dire « je pense que ». Je pense que. Au début, tu peux pas le faire absorber. Tu le fais confirmer par Bernard, puis c'est aussitôt qu'il a dit, là, tu dis « peut-être que Bernard va jouer à tout ». Ouais, ouais. Ouais. Regardez comment vous parlez quand vous parlez au monde. Vous allez voir que souvent, vous allez dire « je pense que ». Ça baisse, ça commence à baisser. Aussitôt que tu dis « je pense que », tu diminues la vibration de l'intelligence. Parce qu'on a l'illusion d'humilité. C'est parce que vous avez l'illusion d'humilité, exactement. Vous voulez être humble, ça c'est normal. Vous voulez pas vous imposer à d'autres. Je pense que... Mais tant que vous êtes pas sûr, vous êtes obligé de dire « je pense que ». Parce que si t'es pas sûr puis tu dis pas « je pense que », tu vas te tromper quelque part. Il y en a un qui va t'accrocher d'un tournant. Pour que tu puisses plus dire « je pense que », faut que tu aies les réponses à tout. Pour que tu aies les réponses à tout, mais faut que tu sois dans la vibration. Il y avait un drôle de jeu, à un moment donné, je t'ai demandé quelque chose pour confirmer. Puis là, j'ai dit « peut-être qu'il me joue un tour ». Mais je me suis dit, par l'intelligence, tu peux voir juste parce qu'il te dit qu'il ne peut pas te joindre à tout. Suis-tu? Ouais. T'arrives à confirmer quelque chose, mais l'intelligence que t'as à ce moment-là, c'est la façon dont il envoie ça, il n'est pas capable de me joindre à tout. Je vous joue jamais tout, moi. Ouais, mais tu dis des fois, faites attention à ce que je vous dis, parce que je suis dangereux. Ouais, ça c'est pour vous faire réaliser l'importance de ne pas me croire. Mais moi, je vous joue jamais tout. J'ai pas de temps à perdre. Jamais je vous jette tôt. Mais je vais créer des conditions pour que vous autres, vous croyez que je vous joue un tôt. Puis en croyant que je vous joue un tôt, là, vous autres, vous êtes poignés dans le doute. Je dois vivre. Vous êtes obligé de le vivre. Ben moi, personnellement, je vous joue jamais de tôt. Jamais. On peut se jouer un tôt nous-mêmes en ce sens que tout, comme tout ce que tu dis est sujet à une déclaration plus vaste. C'est ça. Qu'on peut se jouer un tour. C'est ça. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas croire, vous n'avez pas à vous attacher aux mots. Hein, occupez-vous de la vibration. Jouer un tour. Je suis un homme bien trop sérieux pour ça. Sérieux, moi. Pas sérieux comme vous autres, vous êtes sérieux. Sérieux dans le sens que être sérieux, pour moi, ça veut dire ne pas perdre d'énergie. Je perds jamais d'énergie. Même quand je joue, je suis sérieux. Parce que dans tout ce que tu fais, il y a... Tout le temps. Tout le temps. Fait qu'il y a tout du travail qui se fait. Tout le temps. Hier, dans votre conférence, hier au sein, vous avez dit « l'ego veut parfois faire quelque chose, puis c'est pas le temps. Alors, il faut qu'il attende. Il faut qu'il soit compréhensif, il faut qu'il attende. » Là, je me demandais si l'ego doit toujours faire tous les mouvements qu'il faut. Quand l'ego croit... L'ego doit toujours faire les mouvements. Tous les mouvements. Tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Oui. C'est ça après avoir fait tous les mouvements. Il y a une vertu. Si ça... C'est ça. Il y en a une, mais ouais. Si il y en a tout le temps une. Il y en a tout le temps. Ouais, seulement pas toujours comme vous la voyez. Mais l'ego doit faire des mouvements parce que aussitôt que l'ego a une énergie quelconque, il faut qu'il suive l'énergie. Il y a des conditions, ça dépend de la situation, mais il y a des conditions. Comme je vous explique souvent au niveau des jobs, vous avez besoin d'un job, faites les mouvements, vous n'en trouvez pas pendant une semaine ou deux semaines, mais une fois, ça va vous amener à rencontrer quelqu'un au coin de la rue qui va vous amener à rencontrer une autre personne plus loin. Ouais. Faut faire les mouvements. Si vous faites pas les mouvements, vous perdez la chance d'avoir une job qui est en harmonie vibratoire avec vous pour le temps présent. Fait que vous allez finir par un autre job que vous aimerez pas. Faut faire les mouvements. Ça, c'est une forme d'intelligence. Fait que je veux laisser ça à note que plus vous devenez intelligent, plus vous devez faire attention à l'intelligence, à l'énergie et à vous en servir pour votre bénéfice personnel. Votre bénéfice personnel, c'est pas votre bénéfice égoïque. C'est votre bénéfice en tant que personne, c'est-à-dire votre bénéfice en tant qu'être qui possède un corps émotionnel, un corps mental et un corps vital. Pour vous faciliter votre vie sur le plan matériel jusqu'à temps que vous passiez à un autre plan. Pas souffrir pour rien. C'est ça la fonction de l'intelligence. L'intelligence, la volonté vous permet ça. Mais pour votre bénéfice personnel. S'il y a une tendance dans votre intelligence à discourir en public, à parler en public, à communiquer en public ce que vous savez par l'intelligence, d'accord. Mais toujours à l'intérieur de votre bien-être personnel, faut que ça vous fasse plaisir à vous avant que ça fasse plaisir aux autres. Moi, faut que ça me fasse plaisir à moi de parler en public avant de parler en public. Sans ça, je passe une tangente, je passe sur l'illusion de sauver le monde. C'est là que je perdrais d'énergie. Là, ça sera Saint-Bernard, puis ouais, non. Saint-Bernard, le meilleur ami de l'homme. Ouais, mais je tiens à te parler. Je m'en vais pas tout de suite, mais je tiens à te parler. Thank you.